وهو في الآخرة من أهل النار ومن أصناف الكفار النصارى، فقد أخبر الله عز وجل بكفرهم في كتابه، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وفي هذه الأيام يحتفل النصارى بأعيادهم الشركية، فيحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، وهم يفترون على الله الكذبة بأنه ابن الله، ويتخذونه إلها مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومما يكون في أعيادهم إظهار الصليب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا أيضا: إظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام، فإنه معبود النصارى كما أن الأصنام معبود أربابها، ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب. وإن من المنكرات العظام مشاركة كثيرا من المسلمين للنصارى في أعيادهم وتهنئاتهم بها، وسبحان الله كيف يرضى مسلم موحد بمشاركتهم أو تهنئهم بالشرك الأكبر بالله، فإن عيدهم قائم على الشرك الأكبر بالله وعلى نسبة الولد له سبحانه وتعالى. لقد افترى النصارى على الله فريا تكاد تنفتر السماء وتنشق الأرض وتنهد الجبال من عظم إثمها وشدة قبحها، قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف نهنئهم بعيدهم المحدث ونحن نسأل الله في كل صلاة أن يجنبنا طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم النصارى وكل من عبد الله على جهل، فتحرم مشاركتهم في أعيادهم لقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. جاء تفسير الزور بأعياد المشركين، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور بالرؤية أو السماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. انتهى كلامه. وتهنئ النصارى بهذا العيد منكر عظيم، بل قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما تهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنى بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله عز وجل وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرش المحرم ونحوه. وكثير مما لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هن عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه التهنئة محرمة كما سبق، وسواء كانت التهنئة بعيد ميلاد المسيح عليه السلام أو برأس السنة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له عن أعياد الكفار: إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض الشعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. فليس للمسلمين أعياد سنوية إلا عيدان اثنان: عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجوز إحداث عيد غيره. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبي بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيها، فقال: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا منها، يوم الأضحى ويوم عيد الفطر. فدل هذان الحديثان على أن الأعياد من الدين، إذ لا عيد إلا بدليل من الشرع، وأن الأعياد من خصائص الأديان، وأن الأعياد الشرعية ناسخة لكل عيد سواها، سواء سمي عيدا أم لا، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. ولا تجوز متابعة احتفالاتهم عبر القنوات الفضائية، لأنها داخلة في معنى شهودها ولما فيها من المحرمات، وإن من الخذلان وإتباع سبيل الضالين احتفال بعض البلدان الإسلامية بهذه المناسبة الكفرية، بل ربما أنفق عليها أعظم مما ينفق النصارى أنفسهم، وهذا منكر عظيم وذلة وتبعية مقيتة لعباد الصليب. فيحرم على كل موحد التشبه بالنصارى أهل التثليث بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم اهدنا وسددنا واجنبنا المحرمات والفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et ne suivez pas vos passions ni la voie des innovateurs. Et sachez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur celui qui accommode ou supporte un innovateur. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et que la meilleure des guidées des voix est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que toutes les choses les plus détestables sont toutes choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toutes choses inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal s'appelle une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, craignez Allah. Craignez Allah où que vous soyez. Craignez Allah et Allah vous éduquera et vous donnera la bonne compréhension de la religion. Craignez Allah Azza wa Jal et sachez qu'Allah nous observe constamment où que l'on soit, où que l'on marche et se promène, avec qui on s'assoit et l'on parle. Craignez Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal nous observe tous constamment. Et rappelez-vous le jour où vous reviendrez tous devant Allah Azza wa Jal. Serviteurs d'Allah, rentrez, ne laissez pas personne derrière. Évitez de bloquer les portes. Barakallahu fikoum. Serviteurs d'Allah, Allah le Très-Haut, Azza wa Jal, a décrété de par sa sagesse que les gens seront de deux parties, soit croyants, soit mécréants. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, c'est lui qui vous a créé, parmi vous il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Et de par sa sagesse et sa miséricorde, il envoya des messagers en tant qu'avertisseurs et annonciateurs, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière par la permission d'Allah Azza wa Jal, distinguant ainsi les mécréants des croyants. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit par ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, nous envoyâmes effectivement vers les Thamoud, leurs frères, Salih, c'est-à-dire leur prophète, Salih, qui leur dit, adorez Allah, et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Allah Azza wa Jal a ainsi distingué entre les deux parties dans l'alliance. Il a rendu ainsi les croyants alliés les uns des autres et les mécréants alliés les uns des autres. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, les croyants et croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salate, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. » Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en rompant les liens avec les mécréants, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Allah le Très-Haut a ordonné aux croyants de se désavouer des mécréants, de leur religion et de ce qu'ils adorent. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham, Ibrahim, et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. » Le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal favorise par cela, ses serviteurs, c'est la faveur de l'islam. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Il te rappelle leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. » Dis, « Ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. » Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. » Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Celui donc qui n'est pas musulman, c'est un mécréant. Et il sera ainsi dans l'au-delà parmi les gens du feu s'il meurt sur sa mécréance. Et parmi les sortes de mécréants, il y a les chrétiens, dont Allah Azza wa Jal a informé clairement de leur mécréance dans son livre. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah, c'est le fils de Marie. » Et Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de trois. » Il y a la Trinité. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, « Les mécréants parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. » Et dans ces jours-ci, les chrétiens célèbrent leur fête polythéiste en célébrant notamment la naissance du Messie Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Ils inventent sur Allah des mensonges en disant que Jésus, Isa alayhi salam, c'est le fils d'Allah. Et ils prennent Jésus comme une divinité avec Allah. Allah est au-dessus et bien au-dessus de tous leurs propos mensongers. Et parmi ce qui est présent dans leur fête, c'est d'exhiber la croix. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit concernant cela, « Exhiber la croix est au même statut que d'exhiber les statues. La croix est l'idole des chrétiens, tout comme les statues sont les idoles de leurs rabbins. C'est pour cela que les chrétiens sont appelés les adorateurs de la croix. » Fin de sa parole, rahimahullah. Et parmi les immenses calamités, il y a la participation de beaucoup de musulmans aux fêtes des chrétiens et de les féliciter pour leurs fêtes. Ou même d'aller se promener dans les marchés de Noël. Wal'iyadu billah. Subhanallah, comment un musulman qui est monothéiste, c'est-à-dire qui unifie Allah Azza wa Jal dans l'adoration et se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comment donc un musulman monothéiste qui est monothéiste puisse agréer de participer ou de féliciter les mécréants pour le polythéisme majeur, l'associationnisme majeur à Allah que ces chrétiens commettent. Leur fête et leur célébration est établie sur l'associationnisme majeur à Allah. Et c'est également établi sur le fait qu'ils attribuent à Allah un enfant en mentant sur Allah Azza wa Jal. Et en représentant avec leur sapin de Noël, dont de nos jours, certains musulmans aujourd'hui font entrer ça dans leur demeure, et en représentant avec leur sapin de Noël une crèche représentant la naissance de Isa alayhi salam, attribuant ainsi Allah comme étant le Père. Wal'iyadu billah. Et les musulmans les félicitent pour cela. Et les musulmans les imitent sur cela. Puis après, ils se plaignent des calamités qui leur tombent dessus. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. N'avez-vous pas de pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal que vous mourrez dans cet instant-là en train d'acheter un sapin de Noël ou en train de marcher dans les marchés de Noël ou en train d'offrir un cadeau à vos enfants en attendant le 24, certains à minuit? Et si tu meurs dans cette condition-là, A'oudou billah, qu'Allah nous en préserve. Les chrétiens ont menti sur Allah Azza wa Jal, un mensonge peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent pour l'insulte énorme, l'abomination immense vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal pour l'énorme péché d'attribuer à Allah Azza wa Jal un enfant. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, dit, il est Allah, unique Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Comment donc participer et féliciter les chrétiens pour leur fête inventée et innovée, alors que nous invoquons Allah Azza wa Jal dans chaque salette, dans chaque prière, qu'il nous évite leur voix. Aqad, aqad. Comment donc participer et féliciter les chrétiens pour leur fête innovée, inventée, alors que nous invoquons Allah Azza wa Jal dans chaque salette, dans chaque prière, pour qu'ils nous évitent leur voix, comme dans la traduction du sens du verset, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Tu invoques cela dans chaque salette, au début de chaque rak'at. Pourquoi opposes-tu alors ce que tu invoques? Ou bien le dis-tu sans avoir toute ta tête? Ou le dis-tu parce qu'il faut le dire? Où est donc ce khushur, cette crainte pieuse qui est dans la salette? Où est donc cette crainte pieuse et cette humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on se tient debout dans la salette et qu'on invoque Allah Azza wa Jal de nous guider sur la voie de ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de faveur et qu'il nous évite la voie de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Vous voyez la différence entre le musulman qui prie en craignant Allah Azza wa Jal et il ne sait pas, c'est peut-être sa dernière prière qu'il va faire. Au moins, il est conscient de ce qu'il dit. Et non pas on prie et on ne sait même plus si on a récité la Fatiha ou pas. Et on ne sait même plus si on a fait une rak'a en moins ou en trop. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Ouvrez la porte, barakallahu fikum, pour que les frères puissent rentrer. Les égarés dans ce verset de sourate al-Fatiha, ce sont les chrétiens. Et cela inclut également tous ceux qui adorent Allah Azza wa Jal avec ignorance. Il est donc strictement interdit, strictement haram, de participer de quelque façon que ce soit à leur célébration, de par la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrit les attributs des serviteurs du Tout Miséricordieux dans Sourate Al-Furqan, dans la traduction du sens du verset, ceux qui ne donnent pas de faux témoignages. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages. Essayez de vous rapprocher, barakallahu fikum, pour que les frères puissent entrer. Le faux témoignage dans ce verset a été expliqué comme étant les fêtes des polythéistes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit « Si Allah a complimenté le fait de délaisser le témoignage qui consiste à la présence avec la vue et l'écoute de ce qu'ils font durant leur célébration. Alors qu'en est-il d'être en accord avec eux sur ce qu'implique à œuvrer ? Et c'est une œuvre de faux témoignage, le fait d'être d'accord sur ces célébrations, qui n'implique pas en elle-même le fait de témoigner visuellement. Tandis que, fin de sa parole, tandis que féliciter les chrétiens pour ces célébrations en leur disant par exemple « Joyeuse fête, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël !» On vous dit « Bonne fête, merci vous aussi !» Eh bien cela c'est une chose d'extrêmement détestable. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit mais féliciter pour les injonctions de la mécréance qui lui sont spécifiques, cela est strictement haram, interdit, et ceci par le consensus, tel que de les féliciter pour leur fête et leur jeûne en disant « bonne fête » ou « soyez heureux avec cette fête » ou tout ce qui est dans ce sens. Si celui qui dit cela est préservé de la mécréance, cela fait partie des choses interdites à dire. Car le fait de les féliciter pour leur fête est équivalent à les féliciter pour leur prosternation, pour leur croix. Et cela est le plus grand des péchés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est plus détestable que de féliciter quelqu'un qui boit du vin, ou qui a tué un individu, ou qui a commis la fornication, et beaucoup qui ne donnent pas d'importance à la religion tombent dans cela sans savoir quelle abomination il a commis. Donc quiconque félicite quelqu'un pour un péché ou une innovation religieuse ou pour de la mécréance, il s'expose ainsi à l'abomination d'Allah et à son châtiment. Fin de sa parole. Donc lorsque tu dis à quelqu'un « joyeuse fête » ou « soyez heureux pendant vos bonnes fêtes »,« joyeux Noël » et tout ce que vous voulez, c'est en fait que tu le félicites à se prosterner à la croix. Alors que c'est le pire des péchés, la chose la plus abominable ce péché dont Allah Azza wa Jal ne pardonne pas si l'individu meurt sur cela sans, sa, sans repentance. Donc, féliciter les chrétiens ou n'importe quel mécréant pour leur célébration, cela est strictement haram, interdit, et que ce soit pour les féliciter pour la naissance du Messie, Isa alayhi salam, ou pour la nouvelle année. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, concernant les célébrations des mécréants, les célébrations font partie de la législation et des rites sur, le, sur lesquels Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, à chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Tel que la Qibla, le jeûne, il n'y a donc pas de différence sur le fait de s'associer avec eux dans leur célébration et s'associer avec eux dans les autres législations. C'est-à-dire que lorsque tu célèbres avec eux Noël chez toi, en mettant des guirlandes et en, hein, des décorations chez toi, etc., ou en mettant un sapin, ou en achetant des cadeaux, en disant « non, je vais juste acheter des cadeaux », ou en achetant même leur confiserie et leur chocolaterie. Les savants de la Sunna ont dit « tout ce qui a été produit en termes de confiserie, de chocolat, de nourriture, tout ce qui a été produit pour leur fête est strictement haram pour les musulmans ». Donc, lorsque tu célèbres cela, ou lorsque tu es content de ces fêtes-là et de toutes ces illuminations-là, c'est comme si que tu les associais dans leur shirk, ou dans leur prière qu'ils font, ou dans leur jeûne qu'ils font, ou dans tel autre acte de polythéisme qu'ils sont en train de faire. Il dit le Cheikh l'Islam, rahimahullah, être en accord et accepter toutes leurs célébrations, c'est être en accord et accepter la mécréance. Et être en accord avec certaines branches de leur célébration, c'est être en accord avec certaines branches de la mécréance. Mais les célébrations spécifient les législations et montrent clairement les rites. Donc être en accord avec les ou accepter ou agréer les célébrations, c'est être en accord avec ce qui est plus spécifique quant à la législation de la mécréance, et c'est être en accord avec ce qui est plus apparent de la mécréance, et il n'y a aucun doute sur le fait que d'être en accord avec cela se termine par de la mécréance dans sa globalité et avec ses conditions. Fin de sa parole, rahimahullah. Et il a dit également, rahimahullah, les célébrations et ceux qui s'y rapportent font partie de la religion qui est maudite, ainsi que ses gens. Donc, être en accord dans cela, dans leur célébration, et dans ce qui les caractérise, tout cela est une cause pour recevoir le châtiment d'Allah Azza wa Jal et sa colère. Fin de sa parole. A'oudhu billah, qu'Allah nous en préserve. Les musulmans n'ont pas de fête annuelle, excepté deux. Eid al-Adha, dont nous célébrons ça le dixième jour du mois de Dhul Hijjah, et Eid al-Fitr, qui est le lendemain de la fin du mois de Ramadan. Et il n'est pas permis d'inventer une autre fête à part ces deux autres fêtes-là. Strictement interdit. Il a été rapporté dans les deux sahihs que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait à Abu Bakr radiallahu anhu, « Oh Abu Bakr, chaque peuple a ses fêtes et nous, cette fête-là, c'est-à-dire parce que c'était le Eid, cette fête-là est la nôtre. » Et selon Anas radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il trouva que les gens à Médine jouer, s'amuser, célébrer quelque chose. Pendant deux jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Quels sont ces deux jours ?» Ils répondirent « Eh bien, on jouait en fait pendant ces deux jours-là durant la période de la Jahiliya après islamique, avant l'arrivée de l'islam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Allah Azza wa Jal vous les a changés pas deux jours meilleurs que cela. Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Donc ces deux hadiths-là montrent que les fêtes font partie de la religion. Les fêtes, les célébrations font partie de la religion. Et donc il n'est pas permis de célébrer une chose, excepté si on a une preuve. Comme nous avons pu le voir les fois passées, ceux qui veulent célébrer la bid'a, l'innovation religieuse de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une célébration religieuse. Donc elle doit se tenir sur une preuve. S'il n'y a pas de preuve, la ibada illa bidalil wa nas. La règle, il n'y a pas d'acte d'adoration excepté si tu as une preuve. Soit il rapporte sa preuve, soit il ne la célèbre pas et ne la regarde pas et ne s'y rapproche pas et ne s'assoit pas avec les gens qui veulent inventer dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Donc les célébrations font partie de la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc quiconque veut célébrer une chose, il doit apporter sa preuve. Donc on voit bien le danger de l'affiliation ou de la célébration de ces fêtes de kofar, des mécréants parmi les juifs et les chrétiens, que ce soit Noël ou le jour de l'an où ils fêtent la Saint-Sylvestre et les musulmans sont derrière leur télé en train de regarder les chaînes arabes, attendez minuit, 3, 2, 1, et ils sont contents, et ils s'embrassent. Se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Dès qu'on pose la question aux gens, souhaiterais-tu être le jour de la résurrection avec les musulmans, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou avec les kuffars, les mouchriquines, les ennemis d'Allah? Tous les musulmans aimeraient être avec les musulmans. Mais cependant, entre ce que l'on prétend et ce que l'on fait, c'est comme l'Est et l'Ouest. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal et de se rappeler que la mort peut toucher n'importe qui d'entre nous à n'importe quel moment. On ne doit pas faire de calcul, voilà, jusqu'à que j'atteins la retraite 80, 90. Mais qui te dit que tu vas encore vivre une minute de plus? Personne d'entre nous le sait. Alors imagine-toi en train d'œuvrer dans cela. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque imite un peuple sera avec eux, en fera partie. Donc aimerais-tu être avec les kuffars le jour de la résurrection lorsqu'ils seront jetés en enfer? Vouloir les imiter, se ruer à essayer de faire comme eux, de célébrer comme eux, de décorer comme eux. Mais ma fille, mon fils, il risque de me dire pourquoi tu n'as pas acheté de cadeau. Et la maîtresse va dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau pour Noël? Soyez fiers d'être des musulmans. Montrez l'islam aux gens. Et ne soyez pas des lâches qui cherchent l'humiliation. Car l'honneur et la dignité ne se trouvent que dans l'islam. Et non pas dans la mécréance, et non pas dans l'imitation des kuffars. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Et de se rappeler que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Il est donc strictement interdit de célébrer leur fête, de participer à de quelque manière que ce soit dans leur fête, à les féliciter pour leur fête, à leur dire bonne fête ou joyeuse fête ou bonne année ou joyeux Noël ou etc. Strictement haram. Et il est également strictement haram de s'offrir des cadeaux pendant ces fêtes-là. Allahumma izza al-islam wal-muslimin wa dhilla al-shirka wal-mushrikin wa dammar a'da'aka a'da'ud-din. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arina al-batil batil warzuqna ijtinab. وصلى الله وسلم على نبينا محمد